chacun fait son métier. Le charpentier retrouve le maçon pour faire sortir de terre une maison. Tout change de couleur quand les peintres sont là, à croire qu'ils ont des fleurs plantées au bout des doigts. Chacun sa destinée, la mienne c'est de chanter l'amour et le soleil et la chaleur de l'amitié. Chacun sa destinée, et le plus merveilleux, c'est de faire de son mieux pour voir les autres plus heureux. Tous les fleuristes savent que les fleurs sont bien souvent messagères du cœur. Ce cœur qui bat lorsque les amoureux voient un facteur passer devant chez eux. Comme on ne peut pas tout faire des 10 doigts de ses mains, quand on a des misères, on appelle son voisin. Chacun sa destinée, la mienne c'est de chanter l'amour et le soleil et la chaleur de l'amitié. Chacun sa destinée, et le plus merveilleux, c'est de faire de son mieux pour voir les autres plus heureux. Les musiciens se donnent bien du mal pour faire plaisir aux amoureux du bal. Les comédiens font rire ou bien pleurer pour que les soirées, tous ces marchands de rêve, vous diront que leur vie commence et puis s'achève de 9h à minuit. Chacun sa destinée, la mienne c'est de chanter l'amour et le soleil et la chaleur de l'amitié. Chacun sa destinée, et le plus merveilleux, c'est de faire de son mieux pour voir les autres plus heureux. C'est de faire de son mieux pour voir les autres.